Section 8 de la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 8. Le creux au sanglier. Voyons maintenant ce qui s'était passé entre La Roche-Boisseau et Mademoiselle de Barjac, quand ils avaient quitté ensemble le château de Mercoire. Christine, en galopant sur son fougueux petit cheval noir dans les longues avenues de la forêt, ne pouvait contenir sa joie. Elle se croyait revenue au temps heureux de son enfance, alors que son père et son oncle se livraient dans ces mêmes bois au tumultueux plaisir de la chasse. Sa brune figure brillait des couleurs de la santé. Ses narines roses se dilataient, comme pour mieux aspirer l'air libre et pur de la campagne. Il n'était pas jusqu'à l'absence de ses mentors habituels qui n'ajouta à son ravissement. Elle riait aux éclats de la manière dont elle avait échappé à son inévitable écuyer d'honneur. Elle s'abandonnait sans contrainte à tous les caprices de sa fantasque nature. Tantôt elle lâchait la bride du petit buc, qui, la crinière au vent, dévorait l'espace. Tantôt elle l'obligeait à caracoler sur place et à ronger son mors d'argent. De la mèche de son fouet, elle coupait en se jouant les branches basses des arbres ou la fleurette de gazon. Quand elle rencontrait quelques chasseurs sur son chemin, elle le saluait par un mot joyeux ou par un sourire. Le bonheur semblait déborder de son âme. L'élégant gentilhomme qui l'accompagnait était pour elle comme la personnification de toute cette liberté, de toute cette agitation, de tout ce contentement. Aussi semblait-il à La Roche-Boisseau que jamais elle ne lui avait montré autant de bienveillance. Elle approuvait ses projets, elle applaudissait à ses saillies. Une sœur n'eût pas agi différemment avec un frère bien-aimé. Ils s'avançaient côte à côte, échangeant à l'envi l'un de l'autre des observations malicieuses. Et des passants, témoins de ce charmant accord, en tiraient les présages les plus favorables pour le prochain changement de nom de la jolie châtelaine. Mais autant Christine mettait de candeur dans ses manières avec le baron, autant celui-ci déployait d'astuces et de dissimulation. Sa gaieté n'était que factice. Son aisance étudiée. Il analysait chaque parole, chaque geste, chaque sourire de la trop confiante enfant, et les notait dans sa mémoire. Toutefois, il avait trop d'expérience en ce genre pour prendre d'abord au sérieux un entraînement peut-être passager. Il soupçonnait qu'une parole trop directe suffirait pour effaroucher cette âme expansive et la mettre sur ses gardes. Il affectait donc la même légèreté, la même étourderie. Il laissait son impudente compagne s'enivrer en sécurité d'air et de soleil, mais il épiait secrètement les progrès de cette ivresse et s'arrangeait pour en profiter. Tant qu'il eut à veiller aux immenses préparatifs de la chasse, il lui fut impossible de causer intimement avec Mademoiselle de Barjac. Mais on remarqua ce jour-là avec quelle facilité le baron de La Roche-Boisseau, habituellement fort rigoureux en matière de vénérie, approuvait les dispositions prises par ses gens, auquel, du reste, il avait donné ses ordres le matin. On eût dit qu'il avait hâte d'en finir. Il écoutait à peine. Il ne répondait que par monosyllabes et avec une sorte d'impatience. Enfin, après que Christine et lui eurent parcouru à cheval toute la ligne des tireurs et reconnu que chacun se trouvait à son poste, ils laissèrent leur monture aux quatre coins, comme le lecteur le sait déjà, et commencèrent à gravir la monadière, d'où devait partir le signal de la battue, suivant une convention antérieure. Mademoiselle de Barjac, sa longue robe relevée dans sa ceinture, son fusil jeté sur l'épaule, marchait d'un pas leste et dégagé. Le baron voulut lui offrir le bras, mais elle remercia d'un petit air dédaigneux, et véritablement aucune aide ne lui était nécessaire pour surmonter les difficultés du chemin. Elle avait le pied sûr, la laine douce et facile comme une chevrette sauvage. Son œil limpide mesurait tranquillement la profondeur des abîmes. La Roche-Boisseau avait lui-même quelque peine à la suivre. Avec une admiration qui se mélangeait d'une satisfaction cruelle, il la regardait, légère, joyeuse et confiante, se diriger vers la portion la plus déserte de la montagne. Cependant, il ne lui parlait plus. Il semblait embarrassé, préoccupé de quelques sentiments secrets. Christine, abandonnée à elle-même, devint rêveuse à son tour. Le calme et la solitude qui régnaient autour d'elle finirent par donner une tournure mélancolique à ses réflexions. « Baron !» dit-elle tout à coup en s'arrêtant pour respirer. « J'ai beau monter l'imagination, ce n'était pas ainsi que les choses se passaient du temps de mon père. Quelle chasse de béguines en pénitence nous avons ici. On n'entend ni le clatissement de la meute, ni le hennissement des chevaux, ni le cri des piqueurs, ni les joyeuses fanfares des corps. Les chasseurs restent blottis dans les buissons comme des lièvres au gîte, et les plus ardents risquent de s'endormir à leur poste. Vrai Dieu, on agissait différemment autrefois. Quand on chassait à Mercoire, 20 trompes sonnaient dans toutes les directions. 100 chiens hurlaient en suivant les traces de la bête. Des gentilshommes en riches uniformes parcouraient la forêt au galop de leurs chevaux. Des coups de fusil retentissaient partout. C'était un fracas, un mouvement, un éclat qui faisait frissonner de plaisir. Oh, mon pauvre père, mon bon oncle Hilaire, où êtes-vous? Et une larme tremblait comme une goutte de rosée au long cil noir de Christine. Peste soit de ces souvenirs qui viennent si mal à propos, pensa le baron. Cependant, il reprit en souriant. Patience, mademoiselle. Vous oubliez qu'il est question d'une simple battue et non d'une chasse à cour comme au temps de votre honoré père. Mais si vous aimez ainsi la chasse et les divertissements qui donnaient jadis tant d'animation à Mercoire, poursuivit-il en s'approchant d'elle, avez-vous songé, mademoiselle, qu'il dépendait de vous de voir renaître ces beaux jours? Et comment cela, mon cher baron? Demanda Christine qui, avec sa mobilité d'esprit ordinaire, passait subitement d'un sentiment à un autre. « Eh par Dieu, en épousant un chasseur !» Mademoiselle de Barjac fit la moue. « Ah, baron, » dit-elle avec humeur, « vous, dont je me défiais si peu, allez-vous me taquiner aussi? Vous auriez donc quelque répugnance à épouser un brave gentilhomme, bon vivant, veneur intrépide, qui vous aimerait de tout son cœur et... Je n'en sais rien. » « Peut-être, reprit la Roche-Boisseau avec ironie, préféreriez-vous un petit jeune homme pâle, beau parleur, confie dans les livres et la dévotion, qui n'aurait de sa vie touché le fusil ou le couteau de chasse et passerait le temps à débiter de vertueux discours sur toutes choses? Les jeunes demoiselles se prennent souvent de tendresse pour ces timides agneaux échappés à la dent du loup. » Christine interrompit avec impatience. « Monsieur le baron, dit-elle fièrement, je ne feindrai pas de ne pas vous comprendre. Pourquoi m'attribuez-vous un sentiment de préférence pour la personne à laquelle vous venez de faire allusion? Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Dieu m'est témoin que je désire m'être trompée. Mais enfin, comment interpréter autrement l'émotion extraordinaire que vous avez montrée hier à l'arrivée de ce neveu du père Bonaventure? Votre douleur à la vue de quelques misérables égratignures, le sentiment irrésistible qui vous a poussé à emporter ce jeune homme dans vos bras en présence de tout le château. Hein! Reprit mademoiselle de Barjac. Est-ce ainsi que le monde juge un simple mouvement d'humanité? Je m'en étais douté, et c'est pour cela que ce matin... Tenez, baron, je serai franche avec vous. J'éprouve pour ce jeune homme, qui est pour moi un ami d'enfance, une estime et une amitié dont je n'ai pas à me cacher. On en pensera ce qu'on voudra, seulement on devra considérer qu'il n'est pas de ma condition et qu'il est le protégé de gens dont j'ai toujours impatiemment supporté la domination. Cela dit, laissez aller les suppositions absurdes et les sots propos. Je m'en soucie comme des neiges de l'an passé. Décidément, elle ne l'aime pas, pensa le baron. Mais presque aussitôt la réflexion lui suggéra que Christine pouvait le tromper, ou, ce qui était plus probable, se tromper elle-même. J'ai pris pourtant depuis hier des informations sur M. Léonce, poursuivit-il avec insistance, et l'on assure que votre manière d'être envers lui présente un caractère tout particulier. Votre affectation même à ne pas vous informer de ses nouvelles après lui avoir montré un intérêt si compromettant. Eh! Ne voyais-je pas bien que l'on pouvait interpréter contre moi cette démarche innocente? Mais il est vrai, la Roche-Boisseau, ajouta Christine avec une sorte d'embarras. Je ressens en présence de Léonce un embarras, une gêne, que nulle autre personne au monde ne saurait m'inspirer. Il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, mais il est si raisonnable, si rigide, que je craindrais plus que la mort sa désapprobation. » Cet aveu naïf ne parut pas être du goût de la Roche-Boisseau, qui reprit d'un ton de pitié. « Je le vois, Christine, pauvre enfant. Vous subissez déjà l'influence des puissantes intrigues dont vous êtes entourée et dont peut-être vous ne soupçonnez pas l'importance. Ces moines, qui s'arrogent sur vous une autorité absolue, veulent sacrifier votre bonheur à leurs projets ambitieux. Et ils ont certainement ourdi quelques trames secrètes où votre inexpérience se laissera prendre. Ce n'est pas sans raison, croyez-moi, que ce jeune homme, leur créature, se trouve continuellement sur votre chemin. On a savamment combiné l'impression qu'il pouvait produire sur vous, et le ténébreux complot semble devoir bientôt réussir. Ce neveu de l'artificieux père Bonaventure a conquis dans votre cœur une place plus grande que vous ne pensez. Il ne l'ignore pas, et il en conçoit une vanité dont je puis moi-même rendre témoignage. Christine se redressa brusquement, ses noirs sourcils se froncèrent. « Que dites-vous, Marron ? » demanda-t-elle. « Léon, ce soir serait-il vanté en votre présence d'une préférence de ma part ? Je vous adjure, sous votre honneur de gentilhomme, de me répondre avec franchise. » « Je n'affirme pas qu'il s'en soit vanté positivement, » répliqua la Roche-Boisseau d'un air cauteleux, « mais j'ai pu constater que cet insolent roturier nourrissait à votre égard des espérances téméraires, et ces espérances, votre indulgence pour lui les justifie suffisamment. » Mademoiselle de Barjac se taisait. Elle éprouvait une violente agitation intérieure. Enfin, elle parvint à se dominer et reprit d'un ton sec. « Toutes ces suppositions n'ont pas de sens commun. Mordieu, on ne disposera pas de moi. » Sans mon assentiment, peut-être, et si jamais on osait le tenter. Mais en vérité, baron, poursuivit-elle en tournant sa colère contre la Roche-Boisseau lui-même, comment vous permettez-vous de me tourmenter sur un pareil sujet? En quoi cela vous touche-t-il, je vous prie? Le baron crut l'occasion favorable pour risquer enfin quelque chose. Christine, Christine, dit-il en donnant à sa voix et à son regard l'expression la plus passionnée, pouvez-vous me le demander? Mademoiselle de Barjac baissa les yeux cette fois et rougit. Après un court silence, elle s'écria. « Foin de toutes ces niaiseries sentimentales. Sommes-nous ici pour parler de sensiblerie? Un lieutenant de louveterie qui s'interrompt au milieu d'une grande battue pour débiter des fadaises à une femme? Holou! Holou, sangbleu! Nous n'avons déjà que trop perdu de temps. » Elle se remit à gravir la montagne d'un pas rapide, et le baron la suivit, satisfait et plein d'espoir. D'abord Christine ne s'était pas fâchée des aveux assez clairs pourtant qu'il venait de laisser échapper. Ensuite, ses insinuations malveillantes au sujet de Léonce avaient évidemment produit une vive impression sur l'orgueilleuse jeune fille. Comme il s'applaudissait de son succès, Mademoiselle de Barjac lui demanda « Baron, avez-vous eu soin de poster un de vos meilleurs tireurs dans le creux au sanglier ?» Et elle désignait de la main la profonde coupure pratiquée dans le flanc de la montagne. « Je ne crois pas, » répliqua la Roche-Boisseau. « C'est une faute, alors. » Mais Jean aurait dû vous dire que ce ravin est la refuite ordinaire de toutes les bêtes chassées du bois brûlé, quand elles veulent regagner les grands bois. C'était un des points les plus importants à garder. Mon pauvre père le savait bien. Dans toutes les chasses à tir, il se réservait ce poste pour lui-même. Il y a tué plusieurs sangliers, d'où le nom est resté au ravin. Vous pourriez, chère Christine, en remontrer à bien des veneurs qui se croient fort habiles, répondit le baron. Mais à l'époque où le creux au sanglier avait tant d'importance, la disposition des lieux était peut-être un peu différente. Ainsi, par exemple, les bois venaient autrefois sans doute jusqu'au débouquement de ce fossé, et ils en sont séparés aujourd'hui par un espace nu d'une centaine de pas. Une bête de grande taille qui essayerait de gagner le ravin serait immanquablement aperçue par les tireurs postés à la lisière de la forêt. Hé, hey, croyez-vous qu'un loup déluré, tel qu'on dit être la bête de chasse, ne pourrait pas avoir l'idée de se couler sur le ventre à la faveur du brouillard, de manière à gagner furtivement le creux au sanglier? Je vous assure que celui-ci a fait des choses plus merveilleuses encore. » La Roche-Boisseau examina les localités attentivement, afin de s'assurer jusqu'à quel point les prévisions de Christine étaient fondées. « En vérité, mademoiselle, reprit-il avec une admiration réelle ou feinte, votre sagacité me confond. Il ne serait pas impossible, en effet, que le loup n'exécutât cette manœuvre. Et j'aurais dû songer plutôt à la déjouer. Malheureusement, la faute est à présent sans remède. Tous nos tireurs sont en place et attendent mon signal avec impatience. À moins donc que vous et moi nous ne gardions nous-mêmes le creuset sanglier. » Oui, oui, c'est cela, s'écria Christine en battant des mains avec une joie d'enfant. Quel bonheur, mon cher baron, si vous veniez me faire tuer cette terrible bête du Gévaudan, qui ravage mes terres depuis 3 mois, qui blesse ou tue mes serviteurs et mes amis, et qui a failli dévorer l'agneau des bons pères, acheva le baron en ricanant. Mademoiselle de Barjac ne put s'empêcher de sourire. Cependant, elle leva son doigt pour interdire à la Roche-Boisseau ce sujet de conversation, et reprit précipitamment. « Eh bien, marchons vite. Je sais un poste excellent. Une espèce de hutte construite dans le ravin, même par un de mes anciens bouviers, qu'on appelait Jeannot Grandedent. Cet homme, abruti par la misère, était un de ces montagnards du Mézinc, dont vous connaissez sans doute, comme moi, le caractère intraitable et farouche. Celui-ci se plaisait beaucoup dans cette affreuse tanière, et il vivait comme un sauvage. C'était à peine si, une fois par an, il descendait au château. Cette solitude continuelle finit par altérer sa raison, et il perdit presque l'usage de la parole. Le troupeau qu'on lui avait confié vaguait à l'abandon. Chaque jour, quelques bêtes étaient perdues ou égarées. D'ailleurs, Jeanne aux grandes dents avait une humeur si féroce qu'il ne pouvait rencontrer nos gens sans les maltraiter. Les choses allèrent si loin que ce drôle devint la terreur du pays. Lasse d'entendre continuellement des plaintes et des lamentations à ce sujet, je pris la résolution de me débarrasser de lui. Jeannot n'était pas né sur mes domaines. Je ne lui devais aucun ménagement. Aussi, un jour qu'on venait de me raconter un de ses actes de brutalité, il y a environ 3 mois de cela, je montai moi-même ici accompagné de 2 de mes gardes, qui, sans moi, les poltrons, n'eussent pas osé se charger de cette besogne. Nous chassâmes Jeannot de sa hutte avec défense d'y revenir et même de remettre jamais le pied dans mes bois. Il partit en grondant, et depuis ce temps je n'ai plus entendu parler de lui. Mais nous allons retrouver la misérable habitation qu'il s'était construite, et si je ne me trompe, elle est admirablement située pour l'exécution de mon plan. Et vous ne savez pas ce que ce rustre peut être devenu? Bah, il sera retourné sans doute dans ces montagnes du Mézinc, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Nous sommes bien tranquilles depuis son départ. Et n'était-ce ce maudit loup? Mais, de par le diable, s'interrompit Christine avec un accent différent. Que signifie ceci? Cette exclamation toute virile lui était arrachée par une découverte inattendue. Pendant la conversation précédente, ils étaient arrivés au bord du ravin, précisément en face de la hutte habitée par Jeannot Grandedent. Or, qu'on juge de la surprise et de la colère de Mademoiselle de Barjac, en apercevant la hutte ouverte et, sur le seuil de la porte, le personnage même dont elle venait de parler. Jeannot Grandedent était un paysan robuste d'une 50aine d'années, dont l'extérieur devait inspirer le dégoût et l'effroi. Il avait une taille colossale, mais efflanquée et amaigrie. Sa figure osseuse, bistrée et comme écailleuse, présentait un caractère bestial. Une large bouche toujours ouverte, à lèvres inférieures pendantes, laissait apercevoir de longues dents jaunes et aiguës, d'où lui venait son surnom. Ses yeux fauves et hagards étaient à demi cachés sous les broussailles de ses sourcils. Ses cheveux gris, rudes, hérissés, se confondaient avec sa barbe inculte et sordide. Il avait pour tout vêtement une chemise de toile à sac et un pantalon de même étoffe qui ne couvrait pas ses jambes velues, noires et calleuses. C'était enfin comme une hideuse dégradation de l'espèce humaine, et toute autre femme que la courageuse Christine de Barjac se fût enfuie à la vue de cette brute ignoble, aussi dangereuse peut-être que son aspect était repoussant. Au moment où la châtelaine et la Roche-Boisseau parurent sur le revers du fossé, Jeannot Grandedent se trouvait, comme nous l'avons dit, à l'entrée de la hutte, les deux mains posées à terre, dans la posture si connue des singes de la grande espèce. Il restait immobile, les yeux fixés vers cette extrémité du ravin qui descendait vers le bois brûlé. Au bruit causé par les survenants, il releva la tête. Mais sa première impression ne sembla pas être de la crainte, au contraire. Il agita son épaisse crinière d'un air de défi et poussa un grondement sourd semblable à celui d'un dogue en colère. Christine, de son côté, ne se montra nullement alarmée de ces démonstrations menaçantes. L'horreur que lui inspirait cet être hideux, aussi bien que le sentiment de son autorité méconnue, surexcitait au plus haut point son organisation nerveuse. Elle reprit avec énergie en s'adressant à Jeannot Grandedent. « Comment, coquin, oses-tu reparaître devant moi ? « Malgré ma défense, que fais-tu ici? Ne t'ai-je pas dit que si tu avais l'audace de remettre les pieds sur mes domaines, je te traiterais comme une bête enragée? Mais je saurais quel est celui de mes gardes qui a toléré ta présence dans mes bois et qui a négligé de m'en avertir. C'est Fargeot, sans doute, le maudit ivrogne. Fargeot me le payera. Eh bien, ne m'as-tu pas entendu? Par un instant, je te l'ordonne. Et n'y reviens plus. » Mais Jeannot ne bougeait pas. On eût dit que les paroles de Christine n'arrivaient pas jusqu'à son intelligence, ou du moins que cette intelligence était trop obtuse pour les comprendre. Il continuait de gronder tout bas et faisait mine de s'élancer vers la courageuse jeune fille. La Roche-Boisseau s'empressa d'armer sa carabine. « Prenez garde, mademoiselle, » s'écria-t-il. « Ce drôle a bien la plus mauvaise figure que j'ai vue de ma vie. Il serait capable. » « Ne vous mêlez pas de cette affaire, baron, » reprit Christine avec autorité. Mais toutefois en armant aussi son fusil. « Pour Dieu, laissez-moi donc agir à ma guise. Ce coquin ne m'intimidera pas, et je saurai bien être maîtresse sur mes terres. » Puis, s'adressant de nouveau à Jeannot Grandedent, « Va-t'en, » dit-elle d'un ton irrité. « Tu as causé trop de mal ici pour que je puisse conserver à ton égard la moindre indulgence, la moindre pitié. Pars, et que je ne te revoie jamais. Sans Dieu, Est-ce donc pour me braver que tu me regardes ainsi ? Et elle mit vivement son fusil en joue. La vue de l'arme dirigée contre lui tira Janoo grande-dent de son immobilité. Il se mit à bondir avec une agilité prodigieuse, mais sans oser avancer. Pendant qu'il se livrait à cette gymnastique bizarre, il disait en patois montagnard. « Tous les chasseurs sont venus, tous, tous. Mais le loup n'a pas peur. Le loup les déchirera avec ses longues dents. Le loup est rusé, le loup est fort. Le loup ne craint pas les chasseurs. » Il accompagnait ses paroles, à peine intelligibles, d'un rire saccadé et convulsif. Christine ne put se défendre d'un léger frisson. Cependant, elle reprit, en tenant toujours son fusil en joue, « N'abuse pas de ma patience, et sauve-toi, sauve-toi à l'instant. Ou, de par le diable, je te tue sans miséricorde. » Cette fois, l'insensé parut comprendre ce que l'on attendait de lui. Il recula lentement, mais sans tourner le dos, et il dit avec son accent idiot, « Le loup se sauve quand les chasseurs arrivent, mais le loup reviendra, la nuit, quand les autres dormiront. Il dévorera la jeune fille. Il aime quand il y a beaucoup de morts et de sang, le loup. » Il ajouta après une courte pause, « Les voici, les voici. Va-t'en, loup. Dans la forêt, vite, dans la forêt, les voici. » Et il se mit à longer le ravin pour gagner les grands bois. Il faisait des sauts énormes, marchant avec autant d'aisance sur les mains que sur les pieds. Il eût été difficile de reconnaître une créature humaine dans ce corps agile qui semblait voler par-dessus les rocs et les arbustes. Christine, obéissant à un sentiment indéfinissable, pressa la détente de son fusil au moment où Janoo allait tourner un angle du fossé. Le coup partit, mais un éclat de rire accueillit cet acte d'hostilité, et quand la fumée de la poudre se fut dissipée, le maniaque n'était plus en vue. « Vous l'avez manqué, » dit le baron. « Le fait est que ce croquant allait d'un train. Croyez-vous donc que je l'ai visé ?» répliqua Christine avec impatience. « À quoi m'eût servi de tuer ce pauvre fou ? Non, non. Je voulais seulement lui inspirer une terreur suffisante pour l'empêcher de se présenter désormais devant moi, car il me cause la même impression qu'un reptile venimeux. Mais, » ajouta-t-elle en prêtant l'oreille, « qu'est-ce que cela ?» Un vacarme assourdissant venait d'éclater dans la plaine. « C'est la battue qui commence, » répliqua la Roche-Boisseau. « On aura pris votre coup de fusil pour le signal, que je devais donner précisément de cette place, et notre monde se met en marche. Allons, tout est pour le mieux. »« Attends-nous donc de nous poster, » s'écria Christine impétueusement. « À présent que cet affreux Janoo a quitté la hutte, nous pouvons nous y mettre en embuscade. Et si quelqu'un doit tirer la bête, j'ai l'espoir que ce sera nous. » Tout en parlant, elle descendait légèrement le talus du ravin et se dirigeait vers la cabane. La Roche-Boisseau hésita d'abord à la suivre. Comme si la confiance que lui témoignait cet innocent enfant eût éveillé en lui certains scrupules. Mais cette hésitation dura peu. Bientôt un sourire moqueur effleura ses lèvres, et, s'élançant dans le fossé, il s'empressa de rejoindre Mademoiselle de Barjac. La hutte n'était, à proprement parler, qu'une cavité du rocher, à laquelle on avait fabriqué une façade grossière avec de la boue et des troncs d'arbres. L'intérieur ne contenait aucune espèce de meuble, excepté un billot de bois destiné à servir de siège. Aucun ustensile de ménage, aucun vêtement suspendu aux parois n'attestait la résidence permanente de son propriétaire. Une jonchée de fougères y répandait une agréable odeur, mais cette couche rustique ne semblait pas avoir servi encore, comme on en jugeait à la fraîcheur et à l'intégrité de ces plantes, qui sans doute, peu d'heures auparavant, ornaient encore les flancs de la montagne. La cabane, malgré sa nudité, n'avait donc rien de repoussant. Néanmoins, une circonstance singulière frappa le baron et Christine. La Roche-Boisseau aperçut, dans un coin obscur, un objet assez volumineux dont il ne pouvait d'abord reconnaître la nature. Il écarta du pied la mousse qui le cachait. C'était un quartier d'agneau, encore couvert de sa laine. « Quoi donc ? » dit-il en faisant prestement disparaître cette chair sanglante dans une fente du rocher. « Est-ce que notre ami Janoo partagerait la collation de la bête du Gévaudan ?» Il n'y aurait rien d'impossible, en effet. Que cet homme vécut des restes du loup, répliqua Christine en détournant les yeux. Il est à peine moins féroce que l'animal lui-même. Mais, ajouta-t-elle précipitamment, c'est assez nous occuper de ce vagabond. Les rabatteurs commencent à se rapprocher de nous. La bête ne peut manquer de passer bientôt, si elle doit passer par ce défilé. Je vais recharger mon fusil, et de la fenêtre de cette hutte, je pourrai guetter au passage. Espérez-vous, avec ce jouet d'enfant, « abattre le loup formidable dont j'ai vu la trace ce matin. Je vous garantis qu'une balle sortie de cette arme mignonne s'aplatirait sur son vieux cuir. Si vous avez si grand désir de tirer l'animal, je vous abandonne bien volontiers ma grosse carabine, que j'ai chargée moi-même d'un double lingot. Merci, baron, s'écria mademoiselle de Barjac, en saisissant l'arme massive qu'elle avait peine à soulever. C'est l'un des moments de veneur dont je sens vivement le prix. De ma vie, je n'oublierai ce sacrifice. Elle entrouvit le petit volet de la cabane et disposa la carabine de manière à faire aisément feu sur tout ce qui paraîtrait dans le ravin. La Roche-Boisseau la contemplait avec une admiration passionnée. « Chère Christine, dit-il enfin, rien ne vous presse. Le bois est très vaste, très fourré, et la bête ne le quittera sans doute qu'à la dernière extrémité. D'ailleurs, si elle se décide à percer, nous en serons prévenus par les coups de fusil et les cris des chasseurs. Croyez-en donc mon expérience, ne vous fatiguez pas à demeurer debout devant cette fenêtre, et consentez à vous reposer un peu. Cette course à cheval, cette ascension de la montagne ont dû vous lasser. Par grâce, daignez vous asseoir, ne fût-ce qu'un instant. » Christine éprouvait en effet quelque fatigue, et d'autre part elle n'osait se refuser aux instances obligeantes de son compagnon. Laissant donc la carabine appuyée contre la lucarne, elle dit gaiement au baron. « Allons, je vous crois. Mais si je manque l'occasion de tirer la bête, je ne vous le pardonnerai pas. » La Roche-Boisseau lui prit la main et la conduisit au billot, unique siège de la cabane. Pour lui, il s'assit à ses pieds, sur la fougère odorante, et se mit à la contempler avec des yeux enflammés. Mademoiselle de Barjac ne s'en alarmait pas. Elle avait ôté son chapeau et écarta négligemment de son front les boucles de ses cheveux dérangés par la marche. « Christine, chère Christine, dit le baron transporté après un court intervalle de silence, savez-vous que vous êtes la plus belle, comme la plus vaillante et la plus courageuse des femmes ?» Mademoiselle de Barjac, à son tour, le regarda d'un air de bonne humeur. « eh bien, qu'est-ce qui vous prend donc ? » demanda-t-elle avec malice. « Vous aussi, vous m'adressez des galanteries ? C'est une trahison. » Oh, ne me parlez pas de ce ton railleur, Christine. Charmante enfant, s'écria la Roche-Boisseau en couvrant ses mains de baisers. Et puisque le hasard, ou plutôt ma bonne étoile, nous réunit sans témoin, permettez-moi de vous dire combien je vous aime. Christine essaya vainement de se dégager. Morbleu, baron, reprit-elle avec impatience. Laissez-moi donc, je ne suis pas prude, mais j'entends que l'on me parle à distance et que l'on ne me gêne pas mes mouvements. « Vous ne m'échapperez pas, adorable fille. Encore une fois, c'est ma bonne étoile qui vous met ainsi en mon pouvoir, dans cette cabane solitaire, loin des importuns et des indiscrets. Lâchez-moi, mille démons, ou je vous jure. Croyez-vous m'effrayer par cette colère de colibri? Elle vous rend plus charmante encore. Christine, je t'aime. » Et il voulut l'embrasser. Mademoiselle de Barjac, indignée, essaya de le repousser et appela de toutes ses forces, mais ses cris semblaient devoir se perdre au milieu du vacarme qui montait toujours de la plaine. Enfin, pourtant, elle parvint à délivrer une de ses mains, et en s'efforçant d'éloigner l'insolent qui l'outrageait, elle rencontra, sous ses doigts, la poignée du couteau de chasse que le veneur portait à son côté. Ivre de colère et d'effroi, l'impétueuse jeune fille saisit cette arme, la tira du fourreau et la plongea dans la poitrine de la Roche-Boisseau. Le baron poussa un cri douloureux. Épouvanté de son action, Christine recula de quelques pas, en tenant toujours l'arme sanglante. Le riche uniforme du louvetier s'était teint subitement d'une couleur vermeille. La Roche-Boisseau s'appuya contre la paroi de la hutte. « Bien touché, ma foi, » dit-il avec un sourire amer. « Voilà ce que c'est que de s'attaquer à une héroïne. Je crois pourtant que j'ai ce que je mérite. » Et il s'affaissa sur lui-même. Christine s'enfuit. Nous savons comment, au sortir de la cabane, elle rencontra le chevalier de Maniaque et le Gris, encore tout froissé de la charge furieuse de la bête du Gévaudan, et l'on peut s'expliquer les paroles qu'elle leur avait adressées. Maniaque eut d'abord la pensée de suivre sa jeune maîtresse, qui descendait la montagne avec la rapidité du vent. Mais l'air égaré de Christine, ses discours énigmatiques, ce couteau ensanglanté qu'elle avait jeté à ses pieds, lui firent croire qu'il la servirait peut-être plus utilement en s'informant de ce qui s'était passé. Il s'empressa donc de ramasser le couteau et rejoignit le Gris, qui venait d'entrer dans la cabane. Ils trouvèrent la Roche-Boisseau assis par terre, étanchant avec son mouchoir le sang qui sortait en abondance de sa plaie. Pendant que le chevalier promenait un regard investigateur autour de la hutte, le Gris s'était penché vers son ami et demandait avec épouvante. « Grand Dieu, mon cher baron, qu'y a-t-il donc? Est-ce que cette damnée demoiselle ?»« Vous le voyez, mon pauvre Gris, » répliqua la Roche-Boisseau. Elle vient chercher de la laine qui s'en retourne tondue, sur mon âme. Me voilà gentiment accommodé. Le gris lui donna tous les secours qui étaient en son pouvoir. Cependant, le chevalier de Maniac continuait son examen. À la vue du chapeau de Mademoiselle de Barjac, qui était resté à terre, il devina la vérité et murmura en branlant la tête. « Je savais que tôt ou tard, pareille chose arriverait. Quand on ne fuit pas l'outrage, on doit s'attendre à être outragé. Eh bien, elle me croira maintenant. » Le gris était parvenu à bander la blessure du baron. Celui-ci dit, en essayant toujours de plaisanter, « Morbleu, maître le gris, vous me soignez comme si vous saviez que, moi mort, votre père aurait grand-peine à se faire rembourser de mes lettres de change. Parlez-moi d'un créancier pour vous manier et vous dorloter à plaisir. Il faut que la blessure ne soit pas grave, la Roche-Boisseau, puisque vous avez la force et le courage d'en rire. Mais par humanité, monsieur le chevalier, poursuivit le gris en s'adressant à Maniac, ne m'aiderez-vous pas à soulager mon malheureux ami? La chasse est manquée, et la bête doit être maintenant à l'abri de toute poursuite immédiate. Hâtez-vous donc d'appeler les chasseurs les plus proches. Parmi eux se trouvent sans doute des chirurgiens. Faites-les prévenir sans retard. Allons, monsieur, sortez de votre apathie, s'il est possible. La circonstance en vaut la peine, que diable. N'est-ce pas à vous de réparer le mal causé par votre orgueilleuse maîtresse, ce diable en jupon, ce... Silence, maître le gris, interrompit le chevalier d'un ton menaçant. Oubliez-vous de qui vous parlez et à qui vous parlez? Il reprit après une pause. Je vais aller chercher du monde, et l'on transportera monsieur le baron au château, car on ne pourrait agir différemment sans donner lieu à des suppositions fâcheuses. Mais, d'abord, entendons-nous bien, s'il vous plaît. Monsieur le baron n'a été blessé par personne. Monsieur le baron s'est blessé lui-même en tombant sur son couteau de chasse. Racontez les détails comme vous voudrez, mais quiconque donnerait une autre cause à cet accident serait démenti par moi d'une manière nette et péremptoire. M'avez-vous bien compris, messieurs? Et comment voulez-vous que l'on admette? Le chevalier de Maniac a raison, dit la Roche-Boisseau d'une voix faible. Il faut raconter l'histoire comme il le désire. Je serais trop ridicule si l'on savait la vérité sur cette sotte aventure. À merveille, messieurs, reprit le chevalier froidement. Ce point réglé, nous avons à convenir de quelque chose encore. J'ose espérer que la blessure de monsieur le baron ne sera pas mortelle. Et le jour où il en sera guéri, je lui demanderai la faveur de venir avec moi sur le pré, afin que nous terminions certaines affaires suivant l'usage des gens de qualité. Il sera facile de trouver un prétexte pour ne pas discréditer des noms honorables et dignes de respect. Je m'inscris donc d'avance afin que monsieur de la Roche-Boisseau, le moment venu, m'accorde, de préférence à tout autre, l'honneur que je sollicite. Le baron lui-même ne put s'empêcher de sourire en recevant ce cartel intempestif. « Si vous y tenez, répliqua-t-il, je ne vous refuserai pas cette partie de plaisir en temps et lieu, soyez-en sûr. Mais, ajouta-t-il aussitôt en retenant avec peine un gémissement, je crains fort que vous n'ayez jamais la satisfaction de me voir en face de vous, l'épée à la main. Je le regretterai infiniment, monsieur le baron. Ah ça ! S'écria le gris avec impatience. Y a-t-il du bon sens de venir proposer un duel à un malheureux blessé ? Maniac se tourna vers le jeune bourgeois, et quittant les formes polies qui, dans ses idées, ne pouvaient s'adresser qu'à un gentilhomme, il reprit d'un ton cavalier. Quant à vous, maître le gris, nous devons aussi nous revoir. Je vous accorderai tout le temps nécessaire pour soigner votre ami. Mais aussitôt que vos secours lui seront inutiles, je compte que vous viendrez me demander la suite de la bataille de Fontenoy. J'aurai des communications fort intéressantes à vous faire sur la manière dont nous frottions, à l'armée du maréchal, les bourgeois insolents qui se glissaient parmi nous. Jusque-là, prenez garde de vous trouver trop souvent sur mon chemin. C'est un avis charitable que je vous donne. » Et il sortit, d'un pas majestueux, laissant le gris en proie à une double anxiété, pour le baron et pour lui-même. Quelques instants après, une foule de chasseurs, avertis de l'accident prétendu qui venait d'arriver, accourait à la hutte du creux au sanglier. La Roche-Boisseau était sans connaissance, et les médecins qui examinèrent sa blessure la déclarèrent tout d'abord d'une extrême gravité. Après avoir pansé le baron mieux que le gris n'avait pu faire, on le posa sur un brancard improvisé, et on se mit devoir de le transporter au château. Mais le chevalier de Maniac, les premiers ordres donnés, ne parut plus s'occuper du blessé. Toute son attention se reportait maintenant sur sa jeune maîtresse, dont il se rappelait avec inquiétude le trouble et l'égarement. Il descendit aux quatre coins, où Christine avait laissé son cheval. Les domestiques annoncèrent qu'elle était revenue le prendre peu d'instants auparavant, et qu'elle s'était enfoncée dans la forêt sans permettre à personne de l'accompagner. Maniac se rendit alors au château. Mademoiselle de Barjac n'y était pas. Mais Buck venait de rentrer à l'écurie, seul et la bride pendante. De plus en plus inquiet, Maniac courut dans le bois, demandant des nouvelles aux nombreux chasseurs qui se dispersaient après cette inutile et malencontreuse battue. Aucun d'eux n'avait vu Mademoiselle de Barjac. Le pauvre chevalier se dépitait. Le temps passait. Le jour baissait déjà. Un orage était imminent. Et Mademoiselle de Barjac ne se retrouvait pas. Fin de la section 8. Lue par Stéphanie.